我觉得quoi de plus beau Quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment, deux personnes attachées, deux cœurs qui s'aiment. Aimer, c'est l'une des plus belles choses au monde, eh. C'est regarder ensemble dans la même direction. Aimer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Et peu importe ce que l'avenir réserve, aimer c'est rester. Yeah. Aimer c'est partager avec l'autre. Aimer c'est tout donner sans rien attendre de l'autre. Aimer c'est faire passer le bonheur de sa moitié avant le sien. C'est se comprendre juste en se regardant, c'est le faire qu'un. Je te parle d'amour, de celui qui donne des ailes, de celui qui donne l'impression de marcher sur un arc-en-ciel. Et quoi de plus beau que deux personnes sur leur planète, profitant de chaque instant. Quoi de plus beau que la naissance d'un enfant. Être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Une seconde pour t'aimer et toute une vie pour se le dire. Yeah. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Et quoi de plus beau qu'avoir ce sentiment en soi. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Rien n'est plus beau que l'amour en somme. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Et quoi de plus beau qu'avoir ce sentiment en soi. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Rien n'est plus beau que l'amour en somme. Quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment, deux personnes attachées, deux personnes qui s'aident mutuellement à construire, bâtir, aller de l'avant, qui vivent d'amour et d'eau fraîche, portée par le vent. Yeah. Je te parle d'amour, le vrai, le pur, d'amour, le vrai, le sûr, celui qui vient du cœur, celui qui dure. Je te parle d'amour, le vrai, le dur, celui qui te prend les tripes, ouais, celui qui te torture, celui qui te fait vivre en plein rêve, celui qui te rend plus fort, celui qui n'a pas de trêve, pour lequel tu fais tant d'efforts, celui pour qui tu te battrais jusqu'à la mort, celui pour qui tu pardonnes, peu importe le sort. Je te parle d'un amour fort, d'un amour tellement vrai, d'un amour tellement beau, d'un amour parfait, celui pour lequel c'est toi, elle ou lui et les autres. Quoi de plus beau qu'un cœur qui s'ouvre à l'autre. Yeah. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Et quoi de plus beau qu'avoir ce sentiment en soi. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Rien n'est plus beau que l'amour en somme. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Et quoi de plus beau qu'avoir ce sentiment en soi. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Rien n'est plus beau que l'amour en somme. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Et quoi de plus beau qu'avoir ce sentiment en soi. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Rien n'est plus beau que l'amour en somme. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Et quoi de plus beau qu'avoir ce sentiment en soi. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Rien n'est plus beau que l'amour en somme. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Dévouées et liées l'une à l'autre. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Aller jusqu'au bout du monde juste par amour pour l'autre. Et quoi de plus beau que deux personnes qui s'aiment. Je ne te parle pas de deux cœurs qui saignent. Rien n'est plus beau que deux personnes qui s'aiment. Je te parle d'amour, la plus belle des choses au monde. Okay.